et de ma vie il ne m'est arrivé de songer à ma figure que lorsqu'il n'était plus temps d'en tirer parti. Ainsi, j'avais, avec la timidité de mon âge, celle d'un naturel très aimant, toujours troublé par la crainte de déplaire. D'ailleurs, quoique j'eusse l'esprit assez orné, n'ayant jamais vu le monde, je manquais totalement de manières. Et mes connaissances, loin d'y suppléer, ne servaient qu'à m'intimider davantage en me faisant sentir combien j'en manquais. Craignant donc que mon abord ne prévînt pas en ma faveur, je pris autrement mes avantages, et je fis une belle lettre en style d'orateur où, cousant des phrases de livre avec des locutions d'apprenti, je déployai toute mon éloquence pour capter la bienveillance de madame de Varens. J'enfermai la lettre de monsieur de Pontvert dans la mienne, et je partis pour cette terrible audience. Je ne trouvai point madame de Varens. On me dit qu'elle venait de sortir pour aller à l'église. C'était le jour des rameaux de l'année 1728. Je cours pour la suivre, je la vois, je l'atteins, je lui parle. Je dois me souvenir du lieu. Je l'ai souvent depuis mouillé de mes larmes et couvert de mes baisers. Que ne puis-je entourer d'un balustre d'or cette heureuse place? Que n'y puis-je attirer les hommages de toute la terre? Quiconque aime à honorer les monuments du salut des hommes n'en devrait approcher qu'à genoux. C'était un passage derrière sa maison, entre un ruisseau à main droite qui la séparait du jardin et le mur de la cour à gauche, conduisant par une fausse porte à l'église des Cordeliers. Prête à entrer dans cette porte, madame de Varens se retourne à ma voix. Que devins-je à cette vue? Je m'étais figuré une vieille dévote bien rechignée. La bonne dame de monsieur de Pontvert ne pouvait être autre chose, à mon avis. Je vois un visage pétri de grâce, de beaux yeux bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d'une gorge enchanteresse. Rien n'échappa au rapide coup d'œil du jeune prosélyte, car je devins à l'instant le sien. Sûr qu'une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de mener en paradis. Elle prend en souriant la lettre, que je lui présente d'une main tremblante, l'ouvre, jette un coup d'œil sur celle de monsieur de Pontvert, revient à la mienne, qu'elle lit tout entière, et qu'elle eût relue encore si son laquais ne l'eût averti qu'il était temps d'entrer. « Eh, mon enfant !» me dit-elle d'un ton qui me fit tressaillir. « Vous voilà courant le pays bien jeune. C'est dommage, en vérité. » Puis, sans attendre ma réponse, elle ajouta. « Allez chez moi m'attendre. Dites qu'on vous donne à déjeuner. Après la messe, j'irai causer avec vous. » Louise Éléonore de Varens était une demoiselle de la tour de Pile, noble et ancienne famille de Vevey, ville du pays de Vaud. Elle avait épousé fort jeune monsieur de Varens, de la maison de Loye, fils aîné de monsieur de Villardin, de Lausanne. Ce mariage, qui ne produisit point d'enfants, n'ayant pas trop réussi, madame de Varens, poussée par quelques chagrins domestiques, prit le temps que le roi Victor Amédée était à Évian pour passer le lac et venir se jeter aux pieds de ce prince, abandonnant ainsi son mari, sa famille et son pays, par une étourderie assez semblable à la mienne, et qu'elle a eu tout le temps de pleurer aussi. Le roi, qui aimait à faire le zélé catholique, la prit sous sa protection, lui donna une pension de 1500 livres de Piémont, ce qui était beaucoup pour un prince aussi peu prodigue. Et, voyant que sur cet accueil on l'en croyait amoureux, il l'envoya à Annecy, escorté par un détachement de ses gardes, où, sous la direction de Michel Gabriel de Bernex, évêque titulaire de Genève, elle fit abjuration au couvent de la Visitation. Il y avait 6 ans qu'elle y était quand j'y vins, et elle en avait alors 28, étant née avec le siècle. Elle avait de ces beautés qui se conservent, parce qu'elles sont plus dans la physionomie que dans les traits. Aussi, la sienne était-elle encore dans tout son premier éclat. Elle avait un air caressant et tendre, un regard très doux, un sourire angélique, une bouche à la mesure de la mienne, des cheveux cendrés d'une beauté peu commune, et auquel elle donnait un tour négligé qui la rendait très piquante. Elle était petite de stature, courte même, et ramassée un peu dans sa taille, quoique sans difformité. Mais il était impossible de voir une plus belle tête, un plus beau sein, de plus belles mains et de plus beaux bras. Son éducation avait été fort mêlée. Elle avait ainsi, que moi, perdu sa mère dès sa naissance, et, recevant indifféremment des instructions, comme elle s'était présentée, elle avait appris un peu de sa gouvernante, un peu de son père, un peu de ses maîtres, et beaucoup de ses amants. Surtout d'un monsieur de Tavelle, qui, ayant du goût et des connaissances, en orna la personne qu'il aimait. Mais tant de genres différents se nuisirent les uns aux autres, et le peu d'ordre qu'elle y mit empêcha que ses diverses études n'étendissent la justesse naturelle de son esprit. Ainsi, quoiqu'elle eût quelques principes de philosophie et de physique, elle ne laissa pas de prendre le goût que son père avait pour la médecine empirique et pour l'alchimie. Elle faisait des élixirs, des teintures, des baumes, des magistères. Elle prétendait avoir des secrets. Les charlatans, profitant de sa faiblesse, s'emparèrent d'elle, l'obsédèrent, la ruinèrent et consumèrent, au milieu des fourneaux et des drogues, son esprit, ses talents et ses charmes, dont elle eût pu faire les délices des meilleures sociétés. Mais si de vils fripons abusèrent de son éducation mal dirigée pour obscurcir les lumières de sa raison, son excellent cœur fut à l'épreuve et demeura toujours le même. Son caractère aimant et doux, sa sensibilité pour les malheureux, son inépuisable bonté, son humeur gaie, ouverte et franche, ne s'altérèrent jamais. Et même aux approches de la vieillesse, dans le sein de l'indigence, des maux, des calamités diverses, la sérénité de sa belle âme lui conserva jusqu'à la fin de sa vie toute la gaieté de ses plus beaux jours. Ses erreurs lui vinrent d'un fond d'activité inépuisable qui voulait sans cesse de l'occupation. Ce n'étaient pas des intrigues de femme qu'il lui fallait, c'était des entreprises à faire et à diriger. Elle était née pour les grandes affaires. À sa place, Madame de Longueville n'eût été qu'une tracassière. À la place de Madame de Longueville, elle eût gouverné l'État. Ses talents ont été déplacés, et ce qui eût fait sa gloire dans une situation plus élevée a fait sa perte dans celle où elle a vécu. Dans les choses qui étaient à sa portée, elle étendait toujours son plan dans sa tête et voyait toujours son objet en grand. Cela faisait qu'employant des moyens proportionnés à ses vues plus qu'à ses forces, elle échouait par la faute des autres. Et son projet venant à manquer, elle était ruinée ou d'autres n'auraient presque rien perdu. Ce goût des affaires, qui lui fit en deux mots, lui fit du moins un grand bien dans son asile monastique, en l'empêchant de s'y fixer pour le reste de ses jours comme elle en était tentée. La vie uniforme et simple des religieuses, leur petit caillotage de parloir, tout cela ne pouvait flatter un esprit toujours en mouvement, qui, formant chaque jour de nouveaux systèmes, avait besoin de liberté pour s'y livrer. Le bon évêque de Bernex, avec moins d'esprit que François de Sales, lui ressemblait sur bien des points, et Madame de Varens, qu'il appelait sa fille, et qui ressemblait à Madame de Chantal sur beaucoup d'autres, eût pu lui ressembler encore dans sa retraite si son goût ne l'eût détourné de l'oisiveté d'un couvent. Ce ne fut point manque de zèle si cette aimable femme ne se livra pas aux menues pratiques de dévotion qui semblaient convenir à une nouvelle convertie vivant sous la direction d'un prélat. Quel qu'eût été le motif de son changement de religion, elle fut sincère dans celle qu'elle avait embrassée.

à cette entreprise consommée pour en reprendre une autre, je me propose de donner dans la suite de l'Émile un exemple si charmant et si frappant de cette même maxime que mon lecteur soit forcé d'y faire attention. Mais c'est assez de réflexion pour un voyageur. Il est temps de reprendre ma route. Je la fis plus agréablement que je n'aurais dû m'y attendre, et mon manant ne fut pas si bourru qu'il en avait l'air. C'était un homme entre deux âges, portant en queue ses cheveux noirs grisonnants, l'air grenadier, la voix forte, assez gai, marchant bien, mangeant mieux, et qui faisait toutes sortes de métiers, faute d'en savoir aucun. Il avait proposé, je crois, d'établir à Annecy je ne sais quelle manufacture. Madame de Varins n'avait pas manqué de donner dans le projet, et c'était pour tâcher de le faire agréer au ministre qu'il faisait, bien défrayé, le voyage de Turin. Notre homme avait le talent d'intriguer en se fourrant toujours avec les prêtres, et, faisant l'empresser pour les servir, il avait pris à leur école un certain jargon dévot dont il usait sans cesse, se piquant d'être un grand prédicateur. Il savait même un passage latin de la Bible, et c'était comme s'il en avait su 1000, parce qu'il le répétait 1000 fois le jour. Du reste, manquant rarement d'argent, quand il en savait dans la bourse des autres, plus adroit pourtant que fripon, et qui, débitant d'un ton de racoleur ses capucinades, ressemblait à l'ermite Pierre, prêchant la croisade, le sabre au côté. Pour Madame Sabran, son épouse, c'était une assez bonne femme, plus tranquille le jour que la nuit. Comme je couchais toujours dans leur chambre, ces bruyantes insomnies m'éveillaient souvent, et m'auraient éveillé bien davantage si j'en avais compris le sujet. Mais je ne m'en doutais pas même, et j'étais sur ce chapitre d'une bêtise qui a laissé à la seule nature tout le soin de mon instruction. Je m'acheminais gaiement avec mon dévot guide et sa sémillante compagne. Nul accident ne troubla mon voyage. J'étais dans la plus heureuse situation de corps et d'esprit où j'ai été de mes jours. Jeune, vigoureux, plein de santé, de sécurité, de confiance en moi et aux autres, j'étais dans ce court mais précieux moment de la vie où sa plénitude expansive étend, pour ainsi dire, notre être par toutes nos sensations et embellit à nos yeux la nature entière du charme de notre existence. Ma douce inquiétude avait un objet qui la rendait moins errante et fixait mon imagination. Je me regardais comme l'ouvrage, l'élève, l'ami, presque l'amant de Madame de Varins. Les choses obligeantes qu'elle m'avait dites, les petites caresses qu'elle m'avait faites, l'intérêt si tendre qu'elle avait paru prendre à moi, ses regards charmants, qui me semblaient pleins d'amour parce qu'ils m'en inspiraient, tout cela nourrissait mes idées durant la marche et me faisait rêver délicieusement. Nulle crainte, nul doute sur mon sort ne troublait ces rêveries. M'envoyer à Turin, c'était, selon moi, s'engager à m'y faire vivre, à m'y placer convenablement. Je n'avais plus de soucis sur moi-même. D'autres s'étaient chargés de ce soin. Ainsi, je marchais légèrement, allégé de ce poids. Les jeunes désirs, l'espoir enchanteur, les brillants projets remplissaient mon âme. Tous les objets que je voyais me semblaient les garants de ma prochaine félicité. Dans les maisons, j'imaginais des festins rustiques. Dans les prés, de folâtres jeux. Le long des eaux, les bains, les promenades, la pêche. Sur les arbres, des fruits délicieux. Sous leur ombre, de voluptueux tête-à-tête. Sur les montagnes, des cuves de lait et de crème. Une oisiveté charmante. La paix, la simplicité, le plaisir d'aller sans savoir où. Enfin, rien ne frappait mes yeux sans porter à mon cœur quelque attrait de jouissance. La grandeur, la variété, la beauté réelle du spectacle rendaient cet attrait digne de la raison. La vanité même y mêlait sa pointe. Si jeune, aller en Italie, avoir déjà vu tant de pays, suivre Hannibal à travers les monts me paraissait une gloire au-dessus de mon âge. Joignez à tout cela des stations fréquentes et bonnes, un grand appétit et de quoi le contenter, car en vérité ce n'était pas la peine de m'en faire faute, et sur le dîner de Monsieur Sabran, le mien ne paraissait pas. Je ne me souviens pas d'avoir eu, dans tout le cours de ma vie, d'intervalle plus parfaitement exempt de soucis et de peines que celui des 7 ou 8 jours que nous mîmes à ce voyage. Car le pas de Madame Sabran, sur lequel il fallait régler le nôtre, n'en fit qu'une longue promenade. Ce souvenir m'a laissé le goût le plus vif pour tout ce qui s'y rapporte, surtout pour les montagnes et les voyages pédestres. Je n'ai voyagé à pied que dans mes beaux jours, et toujours avec délices. Bientôt, les devoirs, les affaires, un bagage à porter, m'ont forcé de faire le monsieur et de prendre des voitures. Les soucis rongeants, les embarras, la gêne y sont montés avec moi. Et dès lors, au lieu qu'auparavant, dans mes voyages, je ne sentais que le plaisir d'aller, je n'ai plus senti que le besoin d'arriver. J'ai cherché longtemps à Paris 2 camarades du même goût que moi qui voulussent consacrer chacun 50 louis de sa bourse et 1 an de son temps à faire ensemble, à pied, le tour de l'Italie, sans autre équipage qu'un garçon qui porta avec nous un sac de nuit. Beaucoup de gens se sont présentés, enchantés de ce projet en apparence, mais au fond, le prenant tous pour un pur château en Espagne, dont on cause en conversation, sans vouloir l'exécuter en effet. Je me souviens que, parlant avec passion de ce projet avec Diderot et Grimm, je leur en donnais enfin la fantaisie. Je crus une fois l'affaire faite. Le tout se réduisit à vouloir faire un voyage par écrit, dans lequel Grimm ne trouvait rien de si plaisant que de faire à Diderot beaucoup d'impiété et de me faire fourrer à l'Inquisition à sa place. Mon regret d'arriver si vite à Turin fut tempéré par le plaisir de voir une grande ville et par l'espoir d'y faire bientôt une figure digne de moi. Car déjà, les fumées de l'ambition me montaient à la tête. Déjà, je me regardais comme infiniment au-dessus de mon ancien état d'apprenti. J'étais bien loin de prévoir que dans peu, j'allais être fort au-dessous.